son souffle léger m'a juste effleuré. Baiser léger, vite envolé. Bouche vermeille, aux dents nacrées. Laisse-moi te donner un baiser plus osé. Ton souffle léger, vite envolé. Baiser éphémère, parti en l'air. Lèvres pressées, sucrées, salées. Je vous prie de laisser mes lèvres vous presser. Qu'un petit baiser, un goût sauvage qui m'est resté. Je veux rêver, papavoiser. Laisse-moi t'en prendre un autre pour t'apprivoiser. Sois mon élève, bien discipliné. Ma nouvelle Ève, belle à croquer. Joli visage, visage aimé. Laisse des deux amants les souffles se mêler.